À l'occasion du 57e anniversaire du commencement de la direction de la révolution de Sun-gun par le général Kim Jong-il, la maison d'édition du territoire de Khabarovsk, Russie, a fait paraître en brochure son œuvre classique. Le Sun-gun est une éminente ligne révolutionnaire de notre époque et la bannière de l'invincibilité de notre révolution. La cérémonie de parution a eu lieu sur place.